traîne dans le milieu comme numéro 21. Négro, j'attends le projet Blue Beam. 5 fois pige, j'ai la dalle. Négro, je vais les sous-beam. Fétasse, t'es sûr de toi, mais c'est Bélec. On va te couper le courant, fils, comme la Sénélec. Si tu me cherches, négro, trouve-moi tout en haut. Pyramide inversée, fin du jeu quand les soirs arrivent tout en haut. Fétasse, technique de découpe de boucher. Graille la concu comme de boucher, vise ta tête. Calcule la force de Coriolis, négro, juste pour te toucher. Fuck le rap game, fuck l'industrie négro. J'suis avec Adi dans l'usine, j'suis dans l'industrie négro. J'ai jamais été aussi foncé sur l'exo. Prof vient d'y arriver, j'espère que vous avez fait vos exos. Tu peux pas tester nos technologies. Non, tu peux pas tester nos technologies, gadin. Fuck négro, j'te vois comme Caitlyn. Enfroidis la salle comme Seth Klim. Shenzhen dans la cuisine, coupe le cake clean. SOK qui 667 Real Madrid boy. Endovirus comme la grippe boy. J'arrive comme les jeunes tomes, toi comme agrippe boy. J'vois que tu crois que t'es G négro. J'te vois comme un G négro. J'crois qu'en Dieu mes bélais comme un G négro. Fut 16 en ligne, j'suis dans la saison. Négro, j'suis dans le piège, j'suis dans la maison. Gadern. NRM progresse tout seul comme la pollution. Jeune chimiste négro, j'mets v'là de fond dans la solution.